C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centrare, www.centrare.qc.ca. Aussi, il y a le québecpop.com ainsi que ma page Facebook de Canrock. Cette semaine, un courage de Georgian Bay, c'est un projet plus qu'un album. Le dernier projet de la formation ontarienne Georgian Bay est fort intéressant. Il s'agit du projet Courage, présenté en deux volumes, au total 18 pièces offertes dans deux univers particuliers qui se croisent régulièrement. Le premier volume est Soleil. Et comme l'astre du jour, on a une chaleur, une joie de vivre, une liberté qui s'impose. Dès les premières notes de Canyon, on est séduit par des mélodies folk chaleureuses qui supportent de magnifiques textes remplis de positivisme. On n'a qu'à penser à Roi, qu'on va entendre dans quelques instants, à Océan, pour retrouver cette belle énergie. Plus les musiques défilent à nos oreilles, plus on est captivé, mais plus on ressent une certaine nostalgie s'installer. August et Toronto semblent nous apporter cette brise d'automne qui nous invite au changement. Je vous donne bien sûr une adresse pour découvrir l'univers de Georgian Bay si vous ne le connaissez pas. C'est tout simplement georgianbayband.com. georgianbayband.com. Allez découvrir cet univers-là. Je vais vous envoyer une première pièce assez intéressante, surtout au niveau des percussions, vous allez voir. C'est la pièce Roi, qui est un très beau texte. Il y a un super beau vidéoclip sur YouTube. Allez voir ça. Voici Georgian Bay et Roi. Il était une fois. On commence bien d'histoire comme ça, des dames en détresse attendant leur chevalier. En réalité, je ne vais jamais échanger ma voix pour ton cœur, je garde ma dignité. Je n'appelle pas au secours. Je me laisse enchanter par mes rêves et ma vérité. Je suis le héros. J'écris mon conte de fées. Ce changement, eh bien, c'est le volume 2 du projet, Moon. Comme l'astre de la nuit nous est souvent mystérieux, l'univers de ce deuxième disque nous dresse un sentiment de mystère par la profondeur et la lenteur des mélodies qui le composent. Georgian Bee débute avec Mining Town, un folk qui dresse bien l'atmosphère du disque. Les prestations vocales de Cœur Fragile et Stardust contribuent au sentiment de mystère et de lourdeur des émotions. Les pièces maîtresses de cette atmosphère sont Storm, Tout ce que j'ai et Miroir. Les orchestrations de ces pièces, mais aussi en général du volume numéro 2, sont extrêmement puissantes. On termine le tout avec Willows, un folk tout en douceur, comme l'aube qui reprend sa place après une nuit mystérieuse. On va y aller avec deux pièces, si vous voulez bien, soit la pièce Océan tirée de l'album Soleil et Hiver tirée de l'album Moon. Mes rêves, en elle je trouve. Un produit intéressant, s'il en est un, c'est Courage de la formation Georgian Beat. Belle métaphore, quel soleil et moon. Ces deux volumes se distinguent bien. Soleil est la chaleur, la clarté, l'assurance. Moon, au contraire, c'est le mystère, l'incertitude, le questionnement. Les deux, c'est le jour et la nuit, la confiance et le doute, la vie, quoi. Georgian Bay nous offre Courage, deux univers différents qui se complètent bien. Courage est un magnifique produit à découvrir via leur site internet. Je vous envoie tout simplement au georgianbayband.com. georgianbayband.com. Donc voilà. Donc vraiment intéressant. J'ai bien aimé ce projet-là. Et on va écouter une dernière pièce du deuxième volume qui s'appelle Moon. Et la pièce, c'est tout simplement Miroir. Et vous allez voir, c'est encore là un peu mystérieux, un peu introspectif, mais très intéressant. Donc, Georgian Bay, Joel Westman et Kelly Lefebvre, on les écoute avec leur chanson Miroir. Au fond de mon cœur, je veux savoir une chose. Vois-tu dans mes yeux la réflexion des tiens? serment si profond, deux êtres en unisson, deux cœurs sur l'horizon, dans un miroir comme le ciel et la mer, couleur de l'éphémère, deux bleus sur l'horizon, dans un miroir quand je m'endors là. toi qui vis là-bas, au cœur des étoiles, viens graver amour, amour. On a débuté notre bloc de l'Est Québec-Ontario, bien sûr, avec une chanson souvenir pour fêter les 25 ans de Canrock. Et c'est tout simplement « Amour » de M. Luc Grandmaison, qu'il interprète avec José Lajoie. C'est vraiment de toute beauté. Le texte est magnifique, la mélodie vraiment touchante. J'adore cette pièce-là. C'est une des belles chansons de Luc Grandmaison. Qui demeurait dans l'Outaouais à une certaine époque, je crois, qui est rendu dans la région de Sherbrooke. Malheureusement, on n'a plus de nouvelles de José Lavoie, qui est une voix exceptionnelle. Vraiment, c'est une des plus belles voix que j'ai pu croiser au cours des 25 ans que j'ai fait l'émission Canrock. Mais vraiment magnifique. Ce qui est magnifique, c'est ce qui arrive à une auteure-compositrice-interprète de la région d'Ottawa. Son nom, c'est Ferline Regis, qui avait sorti un premier album, Tout a changé. Hein? On va écouter la pièce titre dans quelques instants. Mais avant, je veux juste vous dire que, elle a tenté sa chance à La Voix. On va dire The Voice, c'est pas en France, c'est au Québec, La Voix. Ça a bien été pour elle. Elle fait partie maintenant de l'équipe de Marc Dupré, si je ne me trompe pas. Mais il y a eu un petit débat entre les juges là, pour savoir qui était pour avoir cette belle chanteuse-là, cette belle voix. Elle a fait une très belle prestation. Donc, et puis on espère qu'elle va aller loin dans le concours. C'est une belle vitrine. Il faut prendre ça comme une belle vitrine parce que après ça, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a très peu d'artistes qui continuent. Il y a bien sûr Céleste Lévy qui va très bien ces temps-ci avec un nouvel album. Donc on lui souhaite toute la meilleure des chances à Ferline Regis. On va l'écouter justement avec une de ses chansons, Tout a changé, Ferline Regis. Tout a changé dès que tu es entré dans ma vie. Tout a changé, tout en moi a été bouleversé. Désormais je vie et je vais de l'avant.